Minuit 2h. Si je serais pas intelligent, ce serait pas des débats, hein, Brutus. Les débats de Gérard. Et voilà, donc bonsoir à tous, bonsoir Manu, bonsoir Fildar. Salut Gégé. Et bonsoir Noémie, donc c'était pas prévu pour ce soir, donc voilà, donc je suis là, mais c'était pas prévu, donc pour ça... Oui, on ira jusqu'à une heure, hein, pas jusqu'à deux heures, voilà, voilà, exceptionnellement ce soir, c'est jusqu'à une heure, hein, donc n'ayez crainte les auditeurs, donc le c'est débat, un petit débat improvisé, c'est ça? C'est un mini débat sur les impôts. Sur les impôts, ça, voilà, ça c'est du bon. Donc, pour ça, on va accueillir Trombon. Voilà, tu peux me dire ton nom, s'il te plaît, 27 ans, là, de Paris, parce que c'est pas moi, j'arrive pas à dire ton nom, là, c'est... Trombosiliane, bonsoir Gérard. Bonsoir à toi. Trombosiliane. Trombosiliane. Okay. D'accord. Grosse touffe, bonsoir, 25 ans de Toulouse, je peux avoir les fréquences? C'est bon, une grosse touffe, hein. Bonsoir, 103.6. Ouais, d'accord. Encore une tantouse. Non, attends, oh. Non, calme-toi un peu. C'est bientôt la journée de la femme, en plus. 103.6 à Toulouse, ça m'étonnerait. Bah, si. Fisc, quoi? Fisc fucking. Fisc fucking, bonsoir. Bonsoir, Dijon. Tout à fait. Ta fréquence? 107.12. 107.2. Et Monsieur Mazur, comme par hasard. Ah, cool. Oui, bonsoir, Monsieur Gérard. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, c'est Monsieur Mazur. Bonsoir. Bon, Monsieur Mazur. Il est poli, merde. Monsieur Mazur, pour l'instant, c'était imprévu, donc vous allez pas faire comme il y a 15 jours, d'accord? Ah oui, alors, Monsieur Gérard, permettez-moi d'apporter une explication par rapport à ce qui s'est passé il y a 15 jours. Mm-hmm. Je suis totalement outré, car des amis à moi m'ont rapporté, qui ont donc écouté votre émission, qu'une personne mal intentionnée a commencé par m'imiter, a carrément créé une imposture en déclamant je ne sais quel répondeur à caractère pornographique, je vous assure, et je n'y suis absolument pour rien, et au standard, il pourrait en témoigner très facilement. Demandez bon. Donc à monsieur Manu ou monsieur, comment s'appelle-t-il, Spirouli. Spirouli, non, c'est monsieur Fildar. Fildar, c'est le rat. Monsieur Mazur. Monsieur Mazur et Manu et Fildar, s'il vous plaît. Monsieur Gérard. Ça serait possible d'avoir... Un peu d'aide. Non, mais ça serait possible d'avoir un micro qui marche un peu mieux. Non, mais il est très bien, ton micro. Bien, c'est le meilleur qu'on ait trouvé. Ah non, parce que là. Problème avec les micros. Moi, non, parce que là, je vais te dire une chose. Je te dis qu'il est impeccable. Ah là, impeccable. Bah, mets du son dans ton casque, ou c'est le casque qui est mal serré, mais. C'est peut-être ta voix. C'est peut-être tes oreilles qui sont trop grandes. Non, il est très bien ton casque, Gégé. Bon, on y va. Bon, on va essayer de faire comme ça, mais je peux vous garantir que. Ouais, c'est très bien, ça j'ai marche. Pas du tout de retour, hein. T'entends ouais, mal. J'ai un faux retour. Non, non, mais là, devant, colle ta bouche. Non, colle ta bouche. Voilà, là, c'est mieux, là. Vous m'entendez? Non, allô. Non, on entend bien. Non, j'ai rien. Oh là là, j'ai rien. Attends deux secondes. Monsieur Gérard, êtes-vous là? Ouais, c'est vrai que le son est pas fort. Vous l'entendez, monsieur Mathieu? Allô. Allô. C'est bien là. Allô. Monsieur Mathieu. Je n'entends pas, Gérard. Ouais, mais là maintenant ça va déjà mieux. Ah, voilà. Donc moi je voulais dire. C'est bon. C'est pas le micro. Oui, allô. Allô. Bon, alors première question. Allô. Ouais, c'est qui dit allô là? Oui, c'est une grosse touffe. Non. Grosse touffe qui dit allô, monsieur Gérard. Moi. Non, mais pour l'instant. Alors, mal, Gégé, hein, je t'entends très mal. Non, il t'entend très bien. Bon, grosse touffe, tu t'accouches un peu et t'as tes conneries. Moi, j'entends très bien. Passe les poils et voilà. Bon, alors, faut-il payer ses impôts sans ressources financières, monsieur Mazur, pour vous? Bah, écoutez, ça me paraîtrait un peu difficile si vous n'avez pas d'argent de payer les impôts. Mais cependant, si vous ne les payez pas, c'est la prison. Mm-hmm. Et ajouterais-je quand même, quelque part, vous l'aurez bien cherché. Parce qu'après tout, c'est un peu de votre faute, vous n'avez qu'à avoir de l'argent. Exactement. Non, mais sans ressources, faut bien se dire une chose, c'est une personne qui n'a pas de ressources, donc, c'est-à-dire qui ne touche pas le RMI, ni les ACEDIC. Donc comment qu'une personne comme ça peut payer des impôts? Est-ce qu'elle a... Écoutez, je crois simplement qu'il faut... Alors si cette personne, n'est-ce pas, physiquement ne peut pas payer ses impôts, mettons, elle est dans le coma ou bien elle est décédée... Non, on parle pas de décès ni de coma, pour l'instant. Bon, ben, écoutez, si cette personne est donc complètement consciente, etc., mais qu'elle ne peut pas payer ses impôts à cause de comme vous l'avez dit, d'un manque d'argent, eh bien, je pense qu'il faut aller prendre l'argent chez ses proches, sa famille, ses enfants. Pourquoi pas? D'accord. Fisc fucking. Ouais, toi, pour toi. Alors, moi, pour moi, y a un truc bien pour ça, justement, pour répondre à ta question. Mm-hmm. C'est qu'en fait, il faut s'arranger pour chaque métier un plafond. Si tu dépasses le plafond, tu payes des impôts. Ouais, mais attends, tu peux. Je pense que. Il faut être grand pour dépasser le plafond. Non, mais je pense que le plafond, normalement, pour déclarer des impôts, je crois qu'il est. Normalement, c'est 3,20 m, un plafond. Non. Il y a un plafond qui. Ça dépend, tu peux avoir des poutres ou des. Regarde, chez moi, c'est super haut par contre. Oui, t'as un plafond. On s'en fout, vous deux! Parce que moi, j'ai des petites moulures en fait. Et c'est bon, tu vas pas me faire chier comme il y a 15 jours, d'accord? Non, je vais pas informer les gens de mon intérieur. Non. Mais on s'en fout de ton intérieur. Ils connaissent ton intérieur par cœur, ça c'est clair, mais le mien, non? Oh là là, ça dépend, il y a du bien. Pardon, mais est-ce que vous connaissez celle du fou qui repeint son plafond? Ouais, voilà, demandez à Manu et Pilar, ils vous expliqueront ça demain. Non, mais il y a un plafond. Gérard, j'ai une question sur l'IRC. On demande. Oui, on demande si tu paies tes impôts. Ben non, je paye pas d'impôts étant donné que je n'ai aucune ressource. T'es pas solvable. Voilà, je ne suis pas solvable. T'es pas payé là, t'es pas payé? Ça c'est pas ton problème. C'est qui vient de poser cette question? Monsieur Mazur. Non, c'est pas Monsieur Mazur. Comme par hasard, c'est pas lui justement à l'instant. Non. Sur internet, c'était qui? Non, c'est Monsieur Grossouf qui a dû poser une question. Ah non, pas du tout. Moi, j'ai rien dit. J'attends qu'on me donne la parole. Eh ben justement, tu vas répondre à la question. Eh ben écoute, moi, je pense que tout le monde doit payer ses impôts parce qu'après tout, même un clodo qui dans une gare, il profite des services publics. Et ça pourquoi fait. Il ne paierait pas d'impôts? Hein? Je vois que je pense que tout le monde doit payer ses impôts et n'importe qui profite. Tu payes illusion à quoi? Je t'ai aidé, t'as vu? Oui, tu fais illusion à qui là? Tu fais quelle illusion là? Attention! Je fais aucune illusion. Je pense juste que n'importe quel pauvre paumé qui serait dans les rues doit payer des impôts. Parce que tu peux aller plus loin de ta pensée. Plus loin de ma pensée. Oui. Bien sûr. Je pense qu'après tout, même quand tu dors dans un lieu d'accueil public, tel qu'un hôpital ou n'importe lequel, tu dois payer des impôts. Manu. Parce que je pense que. Manu. Allô. Excuse-moi, Biquet. Allô. Au revoir. À qui? Grosse touffe, au revoir. Ah, mais t'as été influencé, là. Hein. Merci, grosse touffe. Bye bye, grosse touffe. Voilà. Une pute, sérieux. Ouais, tu vas voir, grosse pute tout à l'heure, tu vas voir. Trop beau disiaque, là. Trop beau disiaque, non. Ouais, excuse-moi. Faut changer de nom. C'est pas possible. Manu, quoi. Manu, tu lui dis au revoir et tu reprends quelqu'un d'autre, c'est ça? Bah oui, ça y est, justement, il y a quelqu'un d'autre, là. Tu fais une bise, il file un kit et tu le dégages. Donc, pour toi. Ma kit. Oui, Gérard, moi je suis d'accord avec mes prédécesseurs. Hein. Je trouve qu'il est tout à fait normal que tout le monde paye des impôts. Il n'y a pas de raison qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on n'ait pas de fric, qu'on n'ait pas de famille, on paye des impôts. Gérard, je vais te poser une question. Pourquoi tous les Français, ils doivent payer des impôts? Alors qu'il y a des gens comme en Suisse, ils payent que dalle, ces enfoirés. Ah ouais, mais ça, c'est vrai que la question est bien dite, parce que c'est vrai qu'en fin de compte, nous, en France, on en paye plus que dans les pays étrangers. Et ça, c'est avec le gouvernement qu'il faut essayer de savoir le pourquoi. Bah moi, je sais comment. Pourquoi. Hein. C'est pour te faire bouffer que les gens, ils payent des impôts. Ouais, non. Non, parce que faut bien se dire une chose, c'est que en Suisse, que ça soit en Suisse, en Allemagne, en Angleterre et tout ça, ils sont tous du chocolat, pas nous. Eux là-bas, ils payent moins d'impôts que nous en France. Non, mais ils en payent pas du tout là-bas. Ah ouais, mais oui, ils payent rien. Mais toi non plus, t'en payes pas, donc t'es un peu suisse. Non, mais il est suisse, t'as pas compris. Non, je suis pas suisse. Ça va, mon con. Non. Non, mais faut dire. Fais voir ton petit coucou alors. Non, mais c'est vrai que ce que tu dis. Pilar, c'est vrai que là-bas, dans leur pays, ils ne payent pas d'impôts. Mais on se demande pourquoi. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on est dégoûté parce que nous, Français, on paye. Oui, mais toi, tu t'inscris ouais, pas. Mais non, ouais. Ouais, mais non, moi, de toute manière, je n'en paye pas. J'en paye pas parce qu'avec ce que je touche à l'heure actuelle, je ne peux pas en payer. Mais combien? Ça te regarde pas. T'as un RMI, quoi. Non, j'ai rien. Ouais, mais ça arrange, elle vaut de la thune maintenant avec la porcelaine. Non, mais justement, il y a un truc qu'il faut bien se dire dans la tête, c'est que tout le monde me dit faut déclarer des pensions, tout ça. Et alors, normalement, les pensions, que ça soit une pension pour un accident de travail ou une pension alimentaire, normalement, les pensions alimentaires, tu les déclares, ça c'est vrai. Mais les pensions, par exemple, suite à un accident de travail comme j'ai eu, normalement, tu dois pas la déclarer parce que c'est tous les 3 mois. C'est faux. Hein, comment ? Non, faut que tu déclares tout, hein. Non, je vais te dire une chose. Alors, dans ces cas-là, je vais te dire une chose. Je touche que 900 francs par mois. Tu crois qu'avec 900 francs, je te la classe ? Monsieur Gérard, avec 900 francs par mois, tu ne peux pas vivre, tu peux. Mais monsieur Gérard, permettez-moi. Monsieur Gérard. 1000 balles par mois et c'est dur à vivre, des fois. De quand ? Non, mais monsieur Gérard. Attends. Monsieur Mazur, 5 minutes. Qu'est-ce que tu disais, Trombon-Ziliane, là ? Bravo. Je gagne 29 000 balles par mois et des fois, c'est dur de finir les fins de mois. Alors, Et tu déclares combien aux impôts ? Bah, 29 fois 12, tu fais le total. Ouais, bah donc tu dois dépasser le plafond qui est autorisé. Je suis à plus de 200 caisses, moi. Quoi ? Ouais, bah t'as plus de 200 caisses, alors bonne nuit, au revoir. C'est l'argent qu'elle gagne, Gérard. Dans ces cas-là, elle doit payer des impôts parce que... T'as jamais dit le contraire. Ouais, le plafond, normalement, tu dois, pour pas payer d'impôts, normalement, ton plafond que tu dois respecter quand tu déclares, c'est entre 20 000 et 60 000 francs exactement. À peu près. Grosso modo, hein. Grosso modo, ouais. En gros, tu dois pas dépasser 60 000. Si tu dépasses les 60 000, tu payes des impôts comme... Ouais. Bon. Accueillir un auditeur ou t'as pas fini ta thèse, là? Si, c'est bon. Ok, j'ai laissé un troisième bug d'un œuf. Je voulais accueillir Lucien Chaval. Bonsoir. Cheval, bonsoir. Bonsoir, Gérard. Ça, voilà. Bonsoir. Tranquille. Lucien Cheval, hein. Cheval. T'appelles d'où ? De Paris. D'accord. Sans 1.9, enfin, pour les impôts. D'accord. T'as entendu la question ? Non, pas du tout. Alors, je la répète, par exemple, puisque Funky, si tu veux réagir, réagir sur ce qui a été dit par rapport avec l'auditrice d'avant, tu peux. Hein, Écoute, j'ai vu qu'elle avait beaucoup d'argent, donc je voulais savoir si elle était célibataire. Elle est partie. Ouais. Elle est partie. Elle est prise alors, c'est pas grave. Ah bon, d'accord. Elle a dégagé. Qui ? Ah bon, Qui ? Mais non, elle est là. Trombosillane, non ? Non, elle est célibataire. Bon. Je voulais savoir si t'étais célibataire. Ouais. Bon, Lucien Cheval, attends. Cheval, comment Cheval ? Cheval. Ouais, on va voir s'il y a une question intéressante. IRC intéressante. Ok. Allez, prenez votre temps. Intéressante, c'est peut-être beaucoup dire. Il y a plein de trucs sympas. Sympa. Ah ouais, d'ailleurs. Oui, vas-y. Bon, il n'y a rien, d'accord. Bon, c'est bon, c'est bon sur l'IRC. Attends, est-ce que Noémie, elle ne sait pas lire l'internet? Mais si, je sais. On ne va pas perdre de temps. Bon, d'accord, je te pose la question, Gérard. Est-ce que tu arrives à acheter tes comptes aux tiges avec 900 francs? Je répondrai pas sur une question de merde. C'est nul, ça, putain. Alors, hop, bonne nuit. Tu dans ce cas-là, là. Demande aussi si t'as réussi à acheter ta meuf quand même. Fildar, toi qui arrives là-haut. Ouais. T'arrives à voir les questions? Ah, nickel. Bon, tu les vois bien ou pas? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien pour le moment, ça arrive. Attends, mettez des questions. Bon, alors, avez-vous. Bon, donc on va faire un sondage avant que Lucien Cheval réponde. Un sondage. Bon, ok, c'est bon. Alors, avez-vous déjà eu. À payer des impôts. Alors 48% des gens répondent oui, c'est bien un problème, ma foi. Alors 27% répondent non, et ma réponse est catégorique. D'accord. 17% des gens, parfois, c'est plus mal que ça. Bon, je vois pas du tout. Fildar, merci. De rien, man. Et 9% sont plus intéressés par s'abstenir à chaque fois que c'est le cas. Donc, je vois pas du tout le rapport. Mais j'aurais noté parce que ça là était incompréhensible. Ouais, ça c'est incompréhensible. Et de toute manière, un truc sur les impôts, c'est pas ça que j'attendais, mais c'est pas grave. Ça dépend. Que doit-on faire pour devenir imposable? Alors, 45% des gens répondent qu'il faut avoir une préférence pour les partouzes entre voisins. Alors ça, mais gros. 31% répondent qu'il faut le permis de la grande instance de l'autorité paternelle. Ouais. Je vois pas du tout le rapport avec ça. Je sais pas, c'est Noémie qui a fait les sondages, tu peux... 20% pensent qu'il faut suivre des études de... Comment bien se faire entuber dans les règles de l'art, c'est pas mal. Et 12% des gens pensent qu'il faut connaître la racine carrée du volume au mètre cube de son appartement. Alors, j'ai trouvé tout ça sur Internet, Gérard. Ouais, c'est bien parce que ça n'a rien à voir du tout. Ah, bravo. Avec le truc des impôts. Alors, par contre, on va continuer parce que comme ça va aller plus vite. Que peut apporter les impôts? Alors, 75% des gens répondent la possibilité. 75% des gens répondent la possibilité d'être à découvert. Ça, je vois pas du tout le compte en banque, ce qu'il vient de faire là-dedans. 29% répondent. C'est pas moi. Entre parenthèses, hic et ta mère, ouais, d'accord. J'ai rien compris. Répète. Non, mais celui qui s'amuse à sortir ça, il ferait mieux de se la fermer. 23% des gens disent l'envie de se faire mater dans la rue. Ouais, bon, bref, on en a rien à foutre. 5% répondent l'assurance d'une protection anticonstitutionnelle. Non, laisse tomber ce mot-là, laisse tomber. Du siège social du groupe des coordinations de... Ouais, d'accord. Est-ce que tu comprends ce que tu dis ou pas? On s'en fout de manière... On sent tout de suite que Noémie est un télo, hein. Ça, pour moi, c'est un sondage de merde. Bah ouais. Qui a inventé les impôts? Alors 60% des gens sans hésitation prospèrent le roi du pain d'épices. 45% des gens, le maire de Palvas les Flots, on s'en fout. 36% pensent que c'est Elvis Presley, on s'en fout. 18% pensent que c'est un petit peu exagéré de mettre ça sur le dos de Swellen. Alors celui qui regarde Dallas, ok, terminé, bonne nuit, au revoir, alors, à demain. Et tout le monde sait qui c'est quand même. Tout le monde sait qui c'est les impôts. Mais j'ai passé du temps pour faire. On s'en fout des sondages comme ça. C'est de la merde. C'est de la merde. Et la voilà. Fois, allez, alors Lucien Cheval, pour répondre à la première question, faut-il payer des impôts sans ressources financières? Et allez, ce sera allez, la dernière fois que je réponds à la question, que je répète la question. On y va. Allô. Une petite quatrième. Ok. Allez, on y va. Tu cartonnes. Donc, tu cartonnes. Gérard, tu arrêtes avec ça, s'il te plaît, merci. Tu cartonnes. Putain, les mecs. Y a pas de putain, on dit maman travaille, d'accord? Alors, tu te casses, c'est paiement vrai. Oh, c'est la vanne. Allez, hop. Donc, non, moi, je paye pas d'impôts, Gérard. T'as quel âge? J'ai 22 ans. Mm-hmm. Et je ne paye pas d'impôts puisque mes parents sont dans le biz et puis je bosse au noir et tout, donc... Ouais, d'accord. Alors, donc, tu bis... Donc, dans le business, moi. Ouais, mais pour l'instant... Merci pour... Merci pour celui qui a le téléphone derrière. Ah ouais, c'est relou, ça. Merci, Fildas. Bon, alors ça commence à bien faire, Fildas, s'il te plaît. J'ai rien fait, Machoun. Ouais, mais tu t'amuses pas à faire comme il y a 15 jours. Parce que sinon, on va te faire écouter le débat de... Il est collé par cœur. Alors, une question. À partir de quelles ressources peut-on faire une déclaration? On va demander à Monsieur Mazur, comme il s'y connaît bien. 500 francs. Ah oui, 500 francs, d'accord. Bah écoutez, oui. À partir de quelles ressources peut-on faire une déclaration? On devrait, à partir de 500 francs, monsieur Gérard, il n'y a pas de raison. Nous vivons en démocratie, la démocratie c'est tout le monde au même niveau. Mm-hmm. Eh bien je ne vois pas pourquoi les gens qui, comme la demoiselle de tout à l'heure, se plaignaient, et je la comprends, d'avoir du mal à joindre les deux bouts avec 29 000 francs par mois, je ne vois pas pourquoi cette personne devrait pâtir, de la cruauté des impôts, alors qu'une personne qui gagne, je ne sais pas moi, mettons 900 ou aller peut-être 1200 francs, Non, mais monsieur Mazur, faut bien dire une chose, que sur les 29 000 francs, est-ce que c'est brut ou net? Net. C'est net. Mmh. Ouais. Donc, normalement, sur ta fiche de paye, si t'es salarié, tu dois avoir un net imposable. Mais... J'ai 31 000 de net imposable. Écoutez, mais j'espère bien que c'est net, en tout cas, parce que sinon, je ne vois vraiment pas comment cette pauvre demoiselle pourrait s'en sortir. De toute manière, 31 000, c'est ce qu'elle doit déclarer aux impôts. Ouais. C'est pas... D'ailleurs, tu pourrais pas me prêter un peu de fric, parce que là, j'ai du mal à finir mes mois, là. Ouais, Il a qu'un franc. Ouais. Bah, c'est pas grave, je prends au moins. Toi, Est-ce que toi, pour l'instant, tu devrais savoir ce que tu as sur ton compte au lieu de t'occuper de ce que j'ai sur mon compte. En de bon entendeur, salut. En de bon entendeur, salut. Oh, tu l'as, d'accord? Ah ouais? Quoi? Tu la fermes? Mais j'ai piraté avec Internet. Ok. En de bon entendeur, salut. Ta réflexion comme ça, je m'en dispense. Ça, c'est symbolique. Moi, je consulte ton compte sur Internet tous les jours. C'est ça. Il y a des variations. Ouais. Bon allez, Manu, t'es à ton micro, tu t'occupes du standard, d'accord? Non, c'est la Vesta en 1995. T'es à ton micro! Il y a trois jours, t'es allé au Monoprix. Et toi, t'écrases! D'ailleurs, Gérard, les mecs, Fildar et Manu, si vous voulez faire un bise, www.sandix.com, il y a de quoi faire la maille avec des sites de queue comme ça. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Qu'est-ce que tu viens de dire, là? Oh, ouais, c'est Fisk. Non, c'est pas moi, c'est l'autre. Ouais, c'est Lucien Cheval. Voilà, tout à fait. Non, pas du tout. Je veux pas le savoir, qui c'est qui vient de dire quelque chose de travers. C'est pas grave. Tu veux pas le savoir, ça va. On s'en fout, tu veux pas le savoir. Alors, Lucien Cheval, à toi. Moi, je réponds pas à ta question, je voudrais juste savoir si ça tente une petite soirée. Pouf, fucking. Alors, dans ces cas-là, Lucien Cheval, au revoir. Salut. Bonne nuit. Je te fous un gros pouce. Moi, je t'emmerde. Mais un gros pouce. Hein. Manu, s'il te plaît, tu lui dis au revoir, je veux plus le voir celui-là. Ok, Michel. Hop, bonne nuit. Puisque Funky. Fisk fucking. Donc, pour toi. Oui, alors moi, je dirais que en fait, les plafonds, ça dépend de la CSP, c'est-à-dire du métier que tu fais. De quoi? Ça dépend du métier que tu fais. Si tu vas pas avoir le même plafond si t'es cadre que si t'es ouvrier. Ou que non, t'es... mais à partir de quelles ressources peut-on faire une déclaration? 600 francs. Bah, si avec 600 francs, tu vas pas faire une déclaration. Ah, vous voyez, monsieur Gérard, j'ai raison. Voilà. Tu peux pas faire de 500 à 600. Mais tu peux pas faire une déclaration de 600 balles. De toute manière, c'est impossible. Et en tout cas, moi, je milite pour qu'à partir de 250 francs, on soit d'ores et déjà imposable. Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui touchent 250 francs. Ça doit être la majorité de la population. Oui. Et donc, les riches, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a 3-4 dans le pays. Tu peux pas. C'est impossible. Oui, Manu. Oui, donc on va accueillir TV à chier à la place de Lucien Cheval. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. T'appelles d'où? Alors j'appelle de Toulouse. 107.7. Pas de barbac là. Non, non, du tout. Donc t'as entendu la question? Ouais, tout à fait. Moi, je sais pas, une fourchette large de 500 à 500 000. Là, on est sûr de taper dedans, quoi. Voilà. Mais bon, il faut s'arranger pour rester juste sous la tranche imposable, en fait. Ouais, mais la tranche imposable, je viens de le dire, c'est entre 20 et 60 000. Bah, tu te mets sous la tranche. Oh, c'est bon, tu te maintiens. Non, en fait. Mais de toute manière, entre 20 et 60 000, de toute manière, si tu déclares, admettons, par exemple, comme trop beau Ziliane. Donc, elle a déclaré 31 000. Donc, Fildar, s'il te plaît, tu arrêtes avec ça ou sinon tu vas te prendre le carton. C'est pas moi. Fildar, tu arrêtes. C'est pas moi, c'est les auditeurs qui font. Non, c'est pas les auditeurs, c'est toi. Bon, donc, comme je disais, donc à mon ami, je pense que le barème entre 20 et 60 000, au-dessus de 60 000, de toute manière, tu paieras des impôts, mais en dessous, tu peux être sûr que tu déclareras rien. Mais comment ça se fait, ça? Bah, ouais, non, mais de toute manière. Fildar, tu arrêtes! C'est pas moi. T'es grand. Il était beau. Hein. Walkman collé sur les oreilles, en roller sur les champs, dans ton slip. Fildar, tu arrêtes! Je te signale, c'est pas parce que celle-là, elle est pas guérie, je peux encore taper de celle-là. Ah, qu'est-ce qu'il a à la main? Ouais, ouais. Il s'est pété un truc en tapant sur le casque. Non, parce qu'il a un sac de sable chez lui. Attention, lorsque vous masturbez, quand même, n'y allez pas trop fort. Vous non, sale, ouais, je disais qu'entre 20 et 60 000, c'est le barème à l'heure actuelle. Et comment tu es au courant de ça? Attends, parce que le barème... Oh, je vous laissez parler. Merci. Attendez, il va nous expliquer. Attendez. Le barème de quoi? Le barème. C'est le barème, de toute manière, est déclaré entre 20 et 60 000. Si tu déclares plus de 60 000, automatiquement, tu paieras des impôts. Si tu déclares moins de 60 000, tu ne paieras pas d'impôts. Tu pêches où? Donc, pour tailler le barème, entre 20 et 60 000. Par mois? Monsieur Gérard. Toi, tu ne comprends rien, toi, la nana. Bah, écoute, moi, je c'est par an. Mais tu pêches où, le barème? Monsieur Gérard, si, mettons, on gagne 500 francs par mois, est-ce que vous estimez judicieux de déclarer 60 000? Ouais, mais sur une année, sur une année, oui, monsieur ben, Mazur, sur une année, vous... C'est exactement ce que je dis, sur une année, vous gagnez... Non, vous disiez par mois, alors, c'est sur une année, je vous demande. Vous disiez pas bien, monsieur Mazur. Monsieur Gérard, je suis en train de vous demander si à partir du moment où l'on gagne 500 francs par mois, on peut se permettre de déclarer 60 000 pour une année. Monsieur Mazur, au revoir. Et pourquoi, monsieur Gérard? Manu, tu dis au revoir à monsieur Mazur. Monsieur Gérard, ça fait 5 fois que je te dis. Monsieur Gérard, ça suffit. Ça y est, suffit de le dire. Audiblement, j'avais pas entendu. Bon, je pense que le débat de lundi, vous n'avez rien compris. Non, mais si, mais attends deux secondes. Walkman, côté sur mes oreilles, en voiture, roller ou métro, j'écoute Fun Radio. De la Tour Eiffel à Montmartre, en passant par les champs, j'écoute Fun Radio. La plus belle amie du monde, j'écoute Fun. C'est bon, on a fait une petite pause pour te calmer. Ça, c'est pour l'audience. Tu vois, c'est pour faire revenir les gens. Parce que... Ah ouais, c'est pour l'instant, tu vas fermer ta gueule. D'accord. Mais j'écoute Paris à la déchetterie, j'écoute Fun. J'ai plus mon kiff, mais j'écoute Fun. J'habite à l'hôpital et j'écoute Fun. On y va, Gérard. Je vis dans un hôtel de son papier, j'écoute Fun. Je nique un sanglier tous les soirs, j'écoute Fun. Et moi, je nique ta mère, j'écoute pas. Il vient de sortir un DVD en plus. Sympa. Manu, tu me calmes un peu les auditeurs, s'il te plaît. J'allais accueillir quelqu'un pour calmer tout le monde parce qu'il en connaît un rayon là-dessus. C'est monsieur professeur Christian. Ah. Voilà. Oui, bonsoir. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Bonsoir, Gérard. Manu, je te préviens que si c'est d'autres, un autre auditeur que tu m'as pris sous le nom de monsieur Mazur, tu vas mordre. Mais non, c'est pas monsieur Mazur, je lui dis au revoir, bonsoir, il est là. Gérard, bonsoir. C'est voix de mots comme d'hab. Ça, c'est une touche qui essaie de faire une voix de mal. Ouais, c'est clair. Je sens, je sais pas pourquoi. Il arrive pas. C'est qui? Monsieur Christian, professeur Christian. Bonsoir, Gérard. Bonsoir. Marco. Et ça, c'est. Bien sûr. Une tafiole. Ouais, c'est ça. Alors, bonne nuit, Marco. Au revoir. Il n'y a pas de Marco. Mais c'est qui, Marco? Marco, viens tout de suite. Non, mais on va calmer, Gérard. Non. En attendant, j'ai une petite question sur l'IRC. Est-ce que si on gagne... Si on gagne au Big Deal, il faut déclarer ou pas ce qu'on a gagné? Non, c'est non imposable, tout ça. Bon, Gérard, Marco, il est là. Professeur Christian, parlez. Parlez. Les gains de jeu sont non imposables. Voilà, alors voilà. Voilà, Gérard, mets ta gueule. Voilà, question suivante, on y va, on enchaîne. T'es niqué, moustache, hein. Tu fermes ta gueule, toi, d'accord ? Enfin, je voudrais rajouter quelque chose. Quand même, les gains de jeu sont imposables maintenant depuis, je crois, un an ou deux ans. C'est ça, fous-toi bien de ma gueule. Non, je me fous pas, absolument pas de votre gueule. Fous-toi bien de ma gueule, alors que je vais te dire une chose, que c'est non imposable. D'accord ? Alors, de bon entendeur, salut. Alors, tu t'écrases. Bon, quand tu sais pas ce que tu dis, tu t'écrases. Je m'écrase. Les inspecteurs des impôts sont-ils méchants ? On va demander à... Il est gentil, il est méchant. Ah, Christian, tiens. Non, les inspecteurs des impôts sont là pour vous aider à remplir votre déclaration d'impôt. Oui, et dans certains cas. Maintenant, c'est vrai que les inspecteurs des impôts sont souvent là aussi pour contrôler si les déclarations d'impôts sont tout à fait correctes et s'il ne manque pas de... Alors, attends, une question que je vais te poser. TV à chier, donc... TV Funky et Trombo Zidiane. Ouais. Donc, alors, on va répondre à monsieur Christian. Comment qu'on fait pour aller voir un inspecteur des impôts qui sont en grève à l'heure actuelle? Sors-la, ta science. C'est-à-dire que dans certains cas, il n'y a pas besoin d'aller voir l'inspecteur d'impôts. Lui, il reprend sa voix de boule. Hé, oh! ça c'est Marco. Christian laissez-moi répondre, s'il vous plaît. Non, mais attends, moi je te dis, je te demande comment qu'on fait maintenant qu'ils sont en grève. Comment tu vas aller les voir quand tu as un problème pour ta déclaration d'impôt? Les inspecteurs d'impôt. Ils sont en grève. Ils ne sont pas tous en grève. Ils sont tous en grève. T'as qu'à écouter les informations. Bande de feignasses, ouais. T'as qu'à être assez intelligent pour pas avoir besoin d'eux. Comme les routiers. Alors, pourquoi merci. Merci pour celui qui vient de mettre pour les routiers. Alors, celui qui vient de mettre pour les routiers, t'emmerde. Ouais. Pourquoi poser cette question, monsieur Gérard? Justement, c'est toi qui viens de l'ouvrir. C'est toi qui viens de dire qu'ils étaient là pour nous aider à faire nos déclarations, oui. Alors qu'à l'heure actuelle, ils sont en grève. De toute façon, vous, ils ne vous êtes pas sur le déclaration d'impôt. De manière si, j'ai besoin de les voir pour quelque chose. Pourquoi? Ah, mais ça te regarde pas. Tu veux payer des impôts? Non, mais moi, j'ai besoin de les voir pour un truc. Allez, cherche ma part. Non. C'est ardois. Sur le RMI, il n'y a pas d'impôt avec ça, hein. Non, sur autre chose. Bon, écoutez, de toute façon, les inspecteurs des impôts... Ils sont en grève, alors arrête de me prendre pour un con, parce que pour l'instant, il n'y a aucun centre d'impôt qui sont ouverts. Et normalement, il ne te reste plus que 8 jours pour déposer ta feuille d'impôt, alors qu'ils sont en grève et tu peux pas... On n'est pas obligé d'aller voir l'inspecteur des impôts pour déclarer... Dans ces cas-là, s'ils n'ont pas les feuilles en temps et en heure, vu qu'ils sont en grève... Oui, laissez-moi parler. C'est un débat où il faut vous laisser parler tout le temps. Répondez-moi tout de suite. S'il faut vous laisser parler tout le temps. C'est toi qui as dit que de toute manière on pouvait aller voir un inspecteur des impôts alors qu'ils sont dehors, en train de faire chier tout le monde. Laissez-moi m'exprimer. Parler. On n'est pas obligé pour remplir sa déclaration d'impôt d'aller voir un inspecteur des impôts. On peut remplir sa déclaration tout seul. Il y a des gens qui savent compter, c'est vrai. Ouais, mais de toute manière, faut bien vous dire les personnes âgées, est-ce qu'elles peuvent le faire? Et pourquoi les personnes âgées tout de suite? Les personnes âgées sont tellement Les personnes âgées. Non, mais attends, déjà, elles n'arrivent pas à toucher toutes seules, elles vont pas remplir leur déclaration toutes seules. Bien sûr que si, les personnes âgées peuvent très bien remplir leur déclaration d'impôt. Mais ouais, t'as raison. Allez, c'est du pipeau, allez, bonne nuit. Du mytho. Finky. Oui, fils de King. Donc, t'as écouté à peu près ce qu'il vient de dire, oui, tout à fait. Non, mais c'est inadmissible, c'était de la mythomanie pure. Mm-hmm. C'est faux, tout ça. Moi, je suis d'accord avec Fuck Me. Excuse-moi, avant, j'ai une question là que je viens de choper sur Internet, de la part de Nico, qui demande est-ce qu'il va y avoir un mix en or avant la fin du débat ou pas? Je voudrais bien. Il n'y aura rien du tout, il y aura peut-être un lingot. Il va tomber. Non, mais ça c'est avec Bob le matin. Il a bien dévoilé un petit truc. Il est quelle heure? Il est bien pour un lingot, toi. Ouais, il est moins 20, donc on va accueillir quelqu'un. On va accueillir quelqu'un, puis on va faire une petite pause. Non, il n'y a pas de pause, on enchaîne. Non, il n'y a pas de pause. On fait l'enfant seul, je sais que c'est toi. Manu, tu m'as pris personne du standard, Comme Colouche, je sais que c'est toi. Comme Colouche. Salut Oxmo. Salut, reste tranquille. Comment va ta mère? Ouais, fais gaffe. Non, vas-y, tranquille. Tu connais le 113 un peu? Bon Gérard, tu gères un peu. Osmo, quand tu diras bonjour. C'est bon, attends deux secondes, je finis de rouler mon spoolif. peut-on vous saisir si vous ne payez pas l'impôt? Donc je parle d'impôt, là on va. Des impôts locaux ou pas? Je précise. On parle pas de la loco. Toi tu fermes ta gueule. Comment tu parles? Alors Osmo, au revoir. La pousse connexion. Au revoir. Manu une fois. Manu deux. C'est quand même moi dans les barfonds. Un fils et un fils. Alors Manu, je vais te fumer ta race. Laisse béton, je vais te fumer ta race. Et le gars, il va te bouffer. Hein. Retourne dans les barfonds, Osmo. Alors là, t'en as chaud. Manu, regarde là-bas. Ouais. Putain, mec, t'as le chef. Ça va bien? On s'est chaud. Ah ouais. Bonsoir. Manu, je te signale, on va repasser le... T'as couche là ou pas? On va repasser la petite bande de ce que j'avais dit. Tu bandes petit, ouais. Alors, peut-on peut-on vous saisir si vous ne payez pas d'impôts? Donc on parle sur là. Sur la bite. Non, là faut bien se préciser sur les impôts, donc impôts sur le sur revenu. La taxe d'imposition et sur le revenu immobilier. Donc c'est les deux, hein. Ouais. Donc c'est sur le revenu et sur les impôts normales. Normal. Taxe d'habitation et sur les impôts normales qu'on déclare régulièrement. Les impôts locaux alors. Eh ben c'est ça. La taxe d'habitation, c'est les impôts locaux. T'en payes une en ce moment ou pas? Non. Putain, t'as la chance. Ça. C'est comme moi, tu sais, je suis hébergé, donc moi j'en paye pas parce que je me fais héberger. Ouais, mais justement, ouais. T'as intérêt de faire gaffe parce que. C'est en centre aussi. Ouais, non, mais. Franchi, attention, pourquoi t'es à chier. Donc, ouais, toi. Ouais, bah écoute, ouais, pourquoi pas. Ouais, non, mais. Non, mais attends, pourquoi tu me dis pourquoi pas? Bah, je sais pas, comme ça. Par manque d'inspiration, dirais-je. Pourquoi tu peux pas te faire saisir? Ouais, voilà, exactement. Normalement. Moi, ce que je trouve chelou, en fait. C'est qui? C'est toujours TVA, chez oui. Bien sûr. C'est que, en fait, moi, je connais des gens qui se sont fait saisir alors qu'ils payaient pas d'impôts. Mm-hmm. Et ça, en fait, ça va à l'encontre de ta question, je trouve, quand même. Ouais, mais. Regarde, t'imagines, on te saisit alors que tu payes pas d'impôts, c'est dégueulasse. Déjà, on te saisit, tu payes des impôts, c'est dur, mais si t'en payes même pas. Ouais, mais. Non, mais il y a un truc qu'il faut bien se dire. C'est que là, il y a un truc vraiment qui va vraiment pas. 5 minutes, Manu, s'il te plaît, merci. Il y a un truc qui est vraiment dégueulasse. C'est pourquoi qu'on oblige une personne qui a pas de ressources ni rien à payer une taxe d'habitation. Mais qui ne paye pas d'impôt sur le revenu. Mais c'est normal. Non. Ouais, mais alors dans ces cas-là, la personne, si elle peut pas payer sa taxe d'habitation, on va la saisir. Eh ben non. Eh ben si. Il faut tout agrafer au sol, il faut tout clouer. Elle travaille, c'est tout. Mais même une taxe d'habitation, de toute manière, c'est pas parce que tu travailles. Mais la taxe d'habitation n'a rien à voir avec l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, c'est quand tu travailles. La taxe d'habitation, c'est autre chose. T'as qu'à travailler pour payer tes impôts. Ouais, t'as jamais travaillé. T'as toujours squatté une poubelle de quoi tu parles. Alors, TVA chier, au revoir. Comme ça, j'aurais squatté une poubelle. C'est pas moi, hein. Non plus. C'est qui, ça? C'est Pépito. C'est Pépito, bonsoir. Bonsoir, t'es viré, hop. Je me présente, j'appelle le Thaïlande. Fildar! Et c'est pas moi! Vous avez le satellite ou quoi, non? Fildar, tu arrêtes, s'il te plaît, une fois! C'est pas moi! Fildar, deux fois! C'est pas moi. Fildar, trois fois. Donc c'est Fildar qui fait le con, ça changera pas. Il veut faire fou, il fout sa merde dans les débats, ça changera toujours pas. Je peux accueillir mon auditeur, non? Vas-y. Voilà, Michel Thor. Oh la vache, le revenante. Ouais. Salut Michel. Ok. Ouais, salut, on parle moi. Salut Michel. Ah bonsoir. Salut. Salut. Salut. Parlez de quoi? Par les impôts, un truc. Ah ouais, un peu de. Non, mais attends, Je suis pas la ramasse celui-là. C'est qui l'animateur? T'as été chercher où celui-là? Sur les 24. Bah, sur les 24 lignes, hein. Ouais, je vois. Il sort tout droit du standard, pas briefé comme ça. Non, mais tu crois qu'il est vachement réveillé là? À l'ancienne. Bah, non. Et t'as appelé pourquoi Michel Thor? Bah, je sais pas, moi, on me dit appelle, il y a un mec qui cause, alors j'appelle. Non, c'est Arnold. Ouais, d'accord. L'animateur, c'est Arnold, mais il est torché. Fildar, Manu, s'il te plaît. Oui, quoi? Tu lui dis au revoir parce qu'il comprend pas du tout. Mais non, c'est bon. Tu lui dis au revoir. Mais vas-y, c'est bon. Tu lui dis au revoir. Non, tu lui demandes rien aussi. On revient avec Vas-y, on quitte les questions, putain, on se fait chier là-dedans, vas-y. Si ça vous plaît pas, vous dégagez. Mais vas-y, fais ton métier un petit peu, putain. Donc, on dit pas putain, on dit maman travaille. Voilà. La deuxième. J'encule ta mère, moi aussi. D'accord? Alors donc, peut-on vous saisir si vous ne payez pas d'impôt? Donc on va demander à Michel Thor. Saisir quoi? Si t'as pas d'impôt. Le bras? Michel Thor! Ouais, bah ouais, bien sûr qu'on peut te saisir, pourquoi pas. Raconte-nous quand Lucie a débarqué chez toi. Et qu'il a voulu... Tu peux préciser, Michel Thor, s'il te plaît, parce que je commence à m'endormir. Tu bosses pas, d'accord. Tu gagnes pas ta vie, d'accord. Bon, mais rien, je vois pas pourquoi tu n'as pas payé tes impôts comme tout le monde, ça déjà d'une. Et puis bien sûr, on peut te saisir, tu te balades dans la rue, les flics arrivent, ils te saisissent, ils te foutent dans le fourgon et hop. Voilà, c'est tout ce que t'as. Non, bah, n'importe quoi. Mais bien sûr, c'est arrivé, moi, devant mes yeux, c'est arrivé. Ah ouais? Ouais. Moi, c'est arrivé à un cousin. Mais tu t'es fait saisir, toi, GG, non? Non, moi, c'est meilleur. Même que l'huissier, il voulait prendre ta femme, il croyait que c'était le canapé. Je m'en souviens. Eh ben, dans ces cas-là, t'es bien chier. Un gros pouce. Au revoir. Une grosse pouce qui pue. Au revoir. Et de toute manière, la dernière question, comme ça, ça ira vite. Eh ben voilà, on a fini. Attends, tu peux demander à tout le monde, toi, qu'est-ce que t'en penses, alors? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, moi, personnellement, si tu payes pas. des impôts, de toute manière, ils n'ont pas le droit de te saisir, parce que déjà, tu n'es pas solvable. Donc, automatiquement, ils ne peuvent pas te saisir. T'es insoulable. Ils n'ont ils ont pas le droit de te saisir. T'es insoulable. Ils sont. T'inquiète pas, ils le prennent. Ils n'ont pas le droit. Oui, mais le droit. Qu'est-ce que tu crois que c'est avec ton beau sourire à 4 ans? Non, ils n'ont pas le droit de. Ils n'ont pas le droit. Bien sûr qu'ils. Ils n'ont pas le droit. Officiellement, ils n'ont pas le droit, mais ils le prennent le droit. Ouais, mais normalement, c'est interdit. Ah oh bah ouais, toi tu fais jamais des trucs qui sont interdits dans la vie. Peut-être. Bon alors Manu, oui je voulais juste accueillir Marco Polo à la place de TVHC. Salut Marco. Bonsoir. Salut Marco. Salut Polo. Bonsoir. T'appelles d'où? J'appelle de Paris. D'accord. Et Michel Thor, t'appelais d'où? Paris aussi. Eh bien, il est parisien, j'ai Manu. Rien que direct de Paris, hein. Bien Manu. Ouais. Mais non mais on les met en local, hein, plus personne te kiffe. Ça va, vous connaissez la fréquence, c'est bon? Bon, si vous êtes péché, j'appelle de Bordeaux, voilà. Ouais, c'est ça. Fous-toi bien de ma gueule. Ouais, Gérard. Fous pas de ta gueule, attends. Par exemple, là, tu payes pas d'impôts, mais tu saisissent quand même sur ton salaire, puisqu'ils récupèrent la thune que tu leur as jamais donnée. Non, non, mais ça te regarde pas, d'accord? Non, mais ça, t'as pas besoin de le balancer à l'antenne, mais, d'accord? Non, mais c'est un exemple. Non, mais tu fermes ta gueule là-dessus. Mais c'est ça, un exemple. Ça, tu fermes ta gueule. Je sais. T'as pas besoin de le balancer. Non, imaginons que Bernard n'a pas payé son loyer pendant 5 ans. Et donc il se fait saisir sur son salaire. Moi je dis qu'est-ce qu'il fait? Toi tu fermes ta gueule. Alors qu'il paye pas d'impôts. Alors tu t'occupes de ton cul, tu t'occupes pas de mes problèmes, d'accord? À partir de quel âge faut-il faire une déclaration? À 12 ans. C'est pour ça que je prends bien pour le 15e. Quoi? J'ai mal entendu là. Ouais, moi aussi. Moi aussi j'aimerais bien. J'ai cru mal entendre là. J'ai cru mal entendre. Qu'est-ce qui s'est dit là? J'ai pas entendu. J'ai cru mal entendre l'enculé qui vient de dire ça. Si quelqu'un peut le refaire. Recale pas entendu. Tu veux qu'on repasse la bande? Oui. Ouais, vas-y, c'est dit. Attends, c'est la pute dans le 15e. Ah voilà. Ah, voilà. Okay. Ah c'est ça. Bon, bah c'est bien, comme vous voulez continuer de parler de Sandy. Non, mais ils ont pas dit ça. Ils ont parlé d'une pute dans le 15e. Attends, ils ont dit Barbie. Non. Remets la bande et ferme ta gueule un peu, toi. Ok, d'accord. Non, la remets pas, ça va tout niquer. Non, attends, on peut pas. Gérard, on parle pas de Sandy, on parle juste de celle qui s'est fait caresser les fesses par Jacques Chirac au salon de l'agriculture. Ah bah c'est toi. C'est la même. Ouais. Je vous préviens, vous allez vous calmer parce que je sens que de toute manière, c'est terminé, donc ça va aller vite. Gros mystère. Alors, à partir de quel âge faut-il déclarer, faut-il faire une déclaration d'amour? Moi, il y a un an. Alors, toi? Eh ben, en fait, ça dépend pas de l'âge, ça dépend de quand tu commences à travailler. Non, de toute manière. Parce que bon, moi, ah oui, je peux t'expliquer. Donc, à 18 ans, je fais une déclaration, mais je gagnais rien, donc ça servait à rien. Donc, j'ai fait des déclarations jusqu'à temps que je gagne quelque chose. Et pendant 10 ans, j'ai fait des déclarations, mais je gagnais rien, donc je déclarais rien. Bah non, parce que moi j'ai... Non, il y a une chose qu'il faut se dire, déjà déjà tant que vous n'avez pas d'appartement, vous ne pouvez pas faire de déclaration. Automatiquement, dès que vous habitez, si vous êtes... Oh, vos gueules derrière, s'il vous plaît. France ou quoi? Manu, t'éteins ton micro. Ouais, Manu, s'il te plaît, ton one-man show, c'est demain. C'est demain, c'est demain que vous faites votre bordel, là, les deux câbles. Ça caille, j'ai des questions à vous poser. Ouais, ben, tu verras ça demain. Demain, sur 01 40 521 521 pour Manu et Fildar. D'accord, il n'y a pas de chauffage, donc, dans le tuyau, ça caille. Hein. Alors, faut dire une chose, que pour faire une déclaration d'impôt... Ouais, pour faire... Faut avoir un appartement, voyage. Bon, Manu, tu les calmes. Ok, calmez-vous les mecs, merde. Calmez-vous. Et toi, t'es un peu micro. Calmez-vous. Calmez-vous. T'éteins ton micro. Calmez-vous, mais calmez-vous. S'il te plaît. Non, je voulais te demander, Gérard. Moi, j'étais chez mes parents et je payais des impôts parce que je gagnais quand même de l'argent parce que je travaillais. Donc c'est pas parce que j'avais pas d'appartement que je payais. De toute manière, faut dire une chose, que lorsque vous... Oh, ta gueule, quand je parle. Bah dis ta chose, là. Bah ouais, dis-le. Pour l'instant, tu fermes ta gueule. Merci. De rien. Donc, une déclaration d'impôt. C'est une déclaration, où ça? Bon, tu découpes. Voilà. Merci. Donc, une déclaration d'impôt se fait à partir de quel âge? Quand vous avez un appartement, dès que vous êtes plus chez papa et maman. Quand vous êtes chez papa et maman, pour l'instant, c'est vos parents qui déclarent. Non, moi j'ai déclaré. Non, mais c'est les parents qui déclarent. Voilà, c'est les parents qui déclarent. Eux, ils déclarent. Ta gueule! Merci, Fildar. Et tu me les laisses en attente. Comme ça me permettra de parler. Une déclaration d'impôt. Tant que t'es chez papa et maman, c'est eux qui déclarent. Pourquoi? Parce qu'ils vont déclarer deux par et demi. C'est-à-dire... C'est-à-dire... Oh, ta gueule! Ils sont pas là. Ouais, ben, tu me les laisses où qu'ils sont? Bah oui. Et tu t'amuses pas à appuyer dessus, sinon j'arrête tout de suite de m'expliquer. D'accord. Vas-y. Donc, je répète. Les parents déclarent 2 parts et demi. Parce que vous êtes toujours encore avec eux. Ouais. Tant que vous n'avez pas d'appartement seul. Une fois que vous vivez seul, c'est à vous de faire votre déclaration vous-même. Les parents ne sont plus là pour vous aider. Clair, net, précis. Ah si, parce que moi je déclare des impôts, mais c'est mes parents qui payent, j'en ai rien à foutre. Non, ben ça, de toute manière, c'est une fausse déclaration. Et ta gueule à toi, quand ça... Ok. Mais non, ce que je veux dire, c'est que moi je déclare mes impôts, donc je vais devoir payer une certaine somme, mais c'est mes parents qui me filent un chèque. Normalement, non. Mais si, parce que moi je. Non. Mais si, parce qu'ils me remboursent la somme que je débite, j'en ai rien à branler, moi. Normalement, une fois que tu quittes tes parents. Tes parents sont obligés de faire une déclaration. Non, non, ils sont obligés, mais ils sont des généreux. Tes parents sont obligés de faire une déclaration. Ta gueule! Ta gueule! Moi, je te dis ta gueule! Je coupe. 2 secondes. Une déclaration. Lorsque tu n'es plus chez tes parents. Non, mais j'ai compris ça. Tes parents sont obligés de déclarer aux impôts comme quoi que tu n'habites plus chez eux. Allez, vite. Voilà, c'est tout. T'as très bien compris, tu le fais exprès, tu veux pas comprendre. Mais voilà. C'est toi qui comprends pas. Non, non, mais voilà. Moi je comprends bien, tu vas pas essayer de Bon, moi je voulais juste demander à Fildar et à Manu ce que ça leur fait d'avoir un show demain soir. Bah, ça leur fait que pour l'instant ils ferment leur gueule et ça part. Ils payent pour l'instant. Bah, voilà. Il y a Sandy qui m'appelle, là je suis dans le 15e, faut que j'y aille parce qu'on en a 2 qui nous attendent. Et ta soeur, elle est en train de faire ce. Et à la place tout de suite, on accueille David, on enchaîne, on enquille. Non, mais c'est fini. Comment ça c'est fini, quoi? Mais tu t'en veux où, là? Non, mais sérieux, c'est terminé. Il y a la conclusion et tout. Non, il y a David, là, qui est à l'antenne. Non, Manu, pour l'instant, c'est pas toi qui commande, c'est moi. David, c'est terminé. Allô? Non, oui, c'est terminé! J'avais une question. Je voulais savoir comment tu faisais, parce que toi t'es un enfant de la DAS pour tes parents. Comment tu faisais? Mais ta mère, elle va s'enculer, au revoir! Je coupe! Gérard, tu peux lui dire au revoir, Emmanu! Manu, tu passes au rapport avec Max dans le bureau. Ok, j'ai trop peur. De toute manière, Max! Attends, Gérard, j'avais une question juste avant sur le débat. Quand, tu sais, là tu dois faire ta déclaration pour le 15. Le 15 mars. C'est-à-dire que si après, enfin, tu oublies de la déposer avant le 15 mars, t'as une majoration. Ouais, mais là, non, mais d'accord, je vois ce que tu veux dire. Normalement, t'es majoré de 10%. Mais vu qu'ils sont en grève, on espère, et ça, c'est tout le monde qui le souhaite, ouais. Que la. D'accord. Non, tu les laisses, parce que là, ce que tu viens de me poser comme question, c'est très bien. Et ça va intéresser tout le monde. Il y en a plein qui veulent répondre. Non. Tu expliques et après, ils répondent. Vas-y. Ça, faut bien se dire une chose, que là, pour l'instant, ils sont en grève. Mmh. Pour l'instant, on ne sait pas. Si c'est maintenu jusqu'au 15 mars, le terme de la déclaration, normalement la déclaration d'impôt doit être dans les boîtes aux lettres jusqu'au 15 mars. Et étant donné qu'il y a une grève, est-ce que ça sera repoussé ou pas? On ne sait rien. Pour l'instant, on ne peut pas le savoir. Et pour une bonne cause, c'est qu'ils sont en grève. Même si tu veux aller chercher une déclaration, même que tu l'ailles par-dessus, tu vas dans un centre des impôts, tu ne peux pas. Tu vas en mairie, ils ne les ont pas. Maintenant, où qu'il faut aller, je pense, et ça je ne suis pas sûr, mais il me semble qu'en préfecture, tu peux en avoir. Mmh. Ah mais si tu vas à la manif où ils sont. Non, c'est mais bon ça. Ça, si tu as envie de dans la manif. Si tu as envie de t'en prendre plein ta gueule, c'est ton problème, c'est pas le mien. Gérard, comme ça. Gérard. Oui, c'est qui? C'est Marco Polo, c'est mon pote. Ouais. Je voulais juste savoir pourquoi t'imposais pas un impôt sur les imposés. Quoi? Parce que... Un impôt sur les imposés. Allez hop. Mais non mais... Donc justement, c'est quoi ça? Un impôt sur les imposés, c'est quoi? Bah c'est comme l'impôt sur les grandes fortunes. Bah c'est pareil. C'est comme pareil. Ça. Tu payes un impôt, tu dois payer un impôt parce que en tu plus, t'es imposé. Mais non, mais je viens de le dire. T'es imposé. Le barème à ne pas dépasser, c'est 60 000. C'est 60 000, c'est bien ce que je dis. Et alors, qu'est-ce que tu aimes me parler d'impôt imposé là? Bah c'est abusé, c'est bien ce que je dis, c'est abusé. Mais attends, mais tu sais lire sur une fiche de paye? C'est marqué net imposable à déclarer. Tu prends ça et c'est tout. Et justement, on parlait des... Ah non, je suis pas d'accord là, Gérard. Bah, c'est vrai. Je suis personne. Quoi, non mais attends, t'es barjo ou quoi là? Non mais non. Bah alors, qu'est-ce qui est marqué sur ta fiche de paye? Il y a marqué non imposable. Sur ta fiche de paye, c'est marqué non imposable. Bah ouais. Non mais attends, tu te fous de ma gueule ou quoi là où tu prends le train? Non, je t'assure. Non mais tu prends le train, ça te coûte moins cher, c'est ça? T'as la carte jeune. Hey, sur une fiche de paye, j'ai jamais vu marqué non imposable. C'est sur une déclaration d'impôt que je vois ça. Non, ça n'est pas une paye non plus. Ouais. Attends, t'en as pas une. Ouais. Attends, ouais. Attends. Qu'à moi de deux secondes. Est-ce que pour avoir le droit de plus porter de kiss, tu payes des impôts ou pas? Et ta connerie, apporte des impôts pour au moins faire de pipe. Oh, oh voilà. Il t'a eu là. Ok. Ah, c'est ça. Alors conclusion. Deux secondes. Je voulais reparler, reposer le terme du débat sur les impôts sur la grande fortune. Okay. Comment ça se passe? Dans, sur quoi? Quelle grande fortune? Mais non, mais il y a des gens qui ont tellement de blé qu'ils doivent payer un impôt supplémentaire parce qu'ils en ont plein. Ouais, ouais mais sur quoi? Je sais de quoi je parle. Bah alors, si tu sais de quoi tu parles dans ce cas-là... Mais là, parce que je côtoie des gens comme toi qui sont dans ce cas-là. Qui cachent leur jeu, mais ils en ont plein. Ouais, plein les poches, ils cachent bien. Hein. Non, mais sérieux, Conclusion, comment ça se passe? C'est ça, c'est super important. Écrase, je répondrai pas à ta question, elle est con. Allez con comme non, papier. Non, sérieux. Allez con. Mais non, mais sérieux, il y a des gens qui touchent tellement d'argent que quoi, l'État est obligé de payer plus. Ouais. Les pompes de une certaine mais sur plus. Quoi tu veux parler? Bah, sur l'argent qui gagne. L'impôt sur la grande fortune, t'as déjà entendu mais parler. Mais quoi? Bah, l'argent qui gagne. Mais attends, ils vont gagner quoi comme fric s'ils touchent un loto, tout ça? Non, pas un loto. Un taf normal. Il y a des mecs qui touchent plus de 6000 balles par mois. Mais attends, t'en as qui. Dans le showbiz, tout ça, ils payent des infos sur les grandes fortunes. Mais ça, on ne sait pas, ça dépend ce qui est déclaré, si c'est reconnu ou pas, c'est tout. Conclusion du débat. Conclusion, Oh, t'abuses, là, tu pourrais penser à quelque chose. Tu cartonnes. Tu m'as laissé tomber un truc de ouf. Le truc pas de l'année, quoi. Réponds. T'es tellement beauf que tu vas rien faire. Vas-y, j'ai enchaîne. Funky, t'as ma conclusion. Non, mais réponds à la question, s'il te plaît, c'est Funky. Bah ouais, réponds à la question, là, parce qu'on... Terminé. Conclusion. On a rien appris, là. Conclusion. Ok, la conclusion. Non, moi, je fais pas la conclusion tant que t'as pas répondu à la question. Ah bah, bonne nuit. Allez, hop, au revoir. www.arnettedefun.fr.fm. Voilà, c'est bien, merci Arnette. Quel compteur, là. Bien, merci Manu. De quoi? Alors, je te préviens, Manu. Non mais regarde, il y a des mecs qui font de la pub pour Arnette. Ouais, non mais voilà, c'est pas... Merci Manu. Rien à voir. Merci Manu. Oui Gérard, moi je peux faire de la pub pour son site. Pauvre con. www.arnettedefun.fr.fm, tu vois, c'est pas moi Arnette. Terminé, conclusion. Conclusion. C'est un site bidon, mais c'est pas grave. Conclusion du débat. Conclusion, alors Arnette. Arnette, c'est Stomy Poussy. Conclusion. Stomy Poussy, non? Non, non, c'est il est parti. Conclusion. Ah, tu réponds à la question. Non, je répondrai pas. Me réponds. C'est quoi, on conclut ou on impose là? Bon, allez hop. Bonne nuit à tous. Non. Vous allez retrouver Rousseau pour la nuit sans pub. Bah, faites en conclusion, moi. Il y a une conclusion internet aussi, Noémie. Elle a une conclusion internet. Non, mais sur l'internet, pour l'instant, c'est. Ah, c'est mort l'internet ce soir. Laisse tomber. Non, il y en a 8748. Ah, quand même. Mytho. C'est ça, c'est parce que tu montes ça. C'est du baratin. Mais elle monte ses seins, c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Il y a une webcam maintenant dans le studio. Ouais, voilà. Voilà, classe. Ah non, c'est pas les seins de Noémie, c'est les kystes. Eh, Lolo Ferrari, on parle pas de seins, s'il vous plaît. Oh, vos gueules à vous. Merci. Allez, bonne nuit. Hop, non, Manu, j'ai dit, Fildar, j'ai dit au revoir aux auditeurs, c'est terminé. Maintenant, vous allez retrouver Rousseau pour la nuit. Non, tu fais un boulot carré ou tu le fais pas, donc t'es venu là. Conclusion là. Je cherche. Non, il est pas 58, il est 1h du matin. Conclusion, si on imposait les cerveaux sous-développés, ça va trop vite pour moi. Non, sous-développés en maintenant, les gens prendraient pour 20. Bon, je répète, hein. Ça défile trop vite. Conclusion, si on imposait les cerveaux sous-développés en un an, les gens en prendraient pour 20 ans. D'accord, et ça, je répondrai pas, c'est une question pourrie de Yankee. Conclusion, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Turpentine. Il y a une turpentine. Ah bah oui, quand même, merde. Ah, de Jean-Louis 2000, conclusion, les impôts, c'est comme Gérard. Si on n'avait pas, on serait mieux. Ouais, bah c'est bien. T'as compris, Gérard? T'as compris? De manière, s'il y en avait pas, il aurait fallu les inventer. Merci. Bon, alors, merci, Rémi. L'éditeur veut faire sa conclusion. Donc, conclusion. Émane-moi un peu, parce que j'ai pas que ça à foutre, moi. Allez! Mais qui c'est qui? On est imposable, tu vas te grouiller là, le SDF. Tu vas te grouiller, le SDF, on est imposable, nous. Et moi, je t'en mets alors, au revoir. Non, mais gars, je sais pas qui c'est, moi. Au revoir. Bon, la liste. La liste des auditeurs, c'est pas là. Bon, Marco Polo, ta conclusion. Quoi? Dépêche-toi, ça caille. Ma conclusion, c'est que je t'impose de continuer, gros porc. Le gros porc, elle t'emmerde, connard. Putain, j'ai plus de batterie. Tant mieux, au revoir. J'ai plus de batterie. Tant mieux, vas-y, conclusion. Je vais encore t'insulter. On va te faire foutre. Oh non. Ça y est, il est parti. Oh, c'est n'importe quoi. C'est bien, reste qui, là? Bah, il reste Michel Thor. Il reste Michel Thor, fils fucking David. Voilà, allô. Allô, allô. Plein de monde, là. Bonsoir. Allô. C'est qui, là? On sait quoi, le deuxième débat, là? Non, il reste Michel Thor, fils fucking et David, pour la conclusion. Bon, fils. Et moi, là. Oh, oh, oh. Bah oui, t'es là, oui. Ouais, Gérard. Bah, je t'écoute. Conclusion. Gérard. Conclusion! Je pense que si tu pouvais payer tes impôts et ta grosse, ça suffirait. Voilà, t'as la grosse, ça t'emmerde! J'ai coupé, on enchaîne, Hop, ensuite! Michel Thor? Ouais. Salut. Bah, on n'a pas appris grand chose, hein, si ce n'est que, bon, tu pouvais faire payer tes enfants, quoi, c'est ça qui est bien. Alors dégage, au revoir! Bah, pourquoi dégage? Au revoir! Bah, pourquoi dégage? Au revoir! Bah, pourquoi dégage? T'as pas de môme, toi? Ça te regarde pas, ça te regarde pas, au revoir, merci, j'ai coupé. Il reste fils fucking. Non, ça y est, lui, il a commencé à me casser les burnes du départ. Mais non, il est là, il a pas fait de conclusion. Alors, conclusion. Oui, vive les impôts. D'accord, ah bah, c'est une belle ça, conclusion. C'est bon, ça. Hein. Voilà, il en reste un aussi, je sais pas qui c'est. Ouais, c'est l'invité Mystère 3. Alors, moi, je pense que Gégé, avant de payer tes impôts, tu devrais d'abord régler ton ardoise au relais Carnot, parce que j'ai vu le patron l'autre jour, il gueule encore. Alors, magne-toi. Et ta mère, elle va se faire foutre. Au revoir. Et il reste une meuf encore, je sais plus qui c'est. Vas-y, Sandy, vas-y, mets-toi des pouces, ouais. Putain. Voilà, c'est parti. Oh non. Mais dis pas là. Coupe-la, Gérard. Coupe-la. C'est bon, c'est coupé. Mais vas-y, c'est bon. Oh là, le travail. Oh là là, le carnage. Allô. Allez, c'est bon, allez, en fait. C'est bon, c'est carré ou quoi? C'est compliqué, hein, ce temps-là. Mais t'es grave, toi, Manu. Ah, c'est Nomi qui le dit. Bon, alors. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire? Manu, t'es un gros con. Merci. Parce que t'as foutu ta merde. Ah bah, c'est pas alors, moi. Alors, demain. Oui. Demain, j'espère que les auditeurs, ils vont te traiter de gros porc comme ils ont insulté Sandy. C'est vrai. Donc, non, c'est qu'un gros porc. Ils ont pas insulté Sandy. Tu n'es qu'un gros porc. Ok. Tu as foutu ta merde encore ce soir. Ouais. Donc, tu continues. Tu peux me mettre énergie, il me fait chier. Oh. Mais y a rien, là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu gazes? Ouais. Assieds-toi, pépère. Sur ce, je vous laisse et vous allez retrouver la conclusion sur les impôts. Sur les impôts, vous avez foutu votre merde, ça fait deux débats que vous merdez. Non. Donc c'est terminé. Ah, t'as quand même un rêve, c'est quand même de payer un jour des impôts. C'est terminé. T'aimerais quand même un jour payer des impôts. C'est terminé, donc. On a fait 12 millions ce soir. Ah, génial. Malgré qu'ils aillent poirer. Mais c'est tout à toi. Oh. Et sur l'internet, on n'a rien fait. Combien? 1700 même pas. Ouais. Ah, c'est nul, hein. Toi, tu t'écrases parce que toi, t'as foutu ta merde. Ah, mais 17 millions quand même! Ouais, mais toi, t'as foutu, pas grâce à toi, heureusement! Gérard, je pourrais revenir la prochaine fois, Gérard! Ouais, ça, je sais pas! Tu t'envoles, toi! T'es où? Tu verras ça avec Max! Donc, okay. Vous allez retrouver Rousseau pour la nuit sans pub et on va s'écouter Popo Ferraro avec Souffle plus dans mes ballons et je fais un gros bisou à ma bibi! Ciao!